Installing Windows 10 for the first time. Maybe it won't be so bad. Don't fucking talk to me. Ça parle maintenant quand t'installes Windows 10? Ben, Windows, t'as-tu Windows 10? Ouais. Il t'envoie pas tout le temps des messages, genre Cortana, il t'envoie pas tout le temps des pop-ups sur le côté, genre. Parce que des fois, c'est freaky, là. Genre, des fois, t'envoies des pop-ups, genre, avez-vous faim? Je pourrais vous proposer des affaires parce qu'il est 5h le soir, genre. Wow. C'est vraiment creepy. J'ai désactivé Cortana. Oui, je pense que j'ai désactivé ça, mais genre justement après avoir reçu des messages creepy de genre « Avez-vous faim? » Wow! Wow! Ouais, fait que je comprends là. Bye. Nous sommes le 19 octobre 2017. C'est l'épisode On a juste une vie, 173. Je suis Narf. Je suis Anne-Marie. Et c'est tout. Ouais. C'est le même. Et là, avant que l'émission commence, on était en train de parler de l'application podcast de iOS qui a tout changé. À quel point la vie d'Anne-Marie n'est plus pareille. J'espère que ça affectera pas nos 450 000 auditeurs pour nous trouver, ça serait vraiment plate. Ah, nos 450 000 auditeurs, je ne crois pas qu'ils aient la moindre problème. Car je ne suis pas sûr que personne nous écoute avec iTunes. Mais peut-être que je me trompe. Si vous nous écoutez avec iTunes, écrivez dedans pour qu'on le sache. Ouais, donnez-moi des trucs là, pour savoir dans quel ordre est-ce qu'ils mettent mes podcasts les plus récents si jamais je suis en retard d'une couple de semaines. Puis écrivez-nous ça, je veux savoir. Envoyez ça à info@onajustunevie.ca. Ouais, sinon, par Facebook et Twitter, on devrait les recevoir, j'imagine. Oui, ben oui. On va les recevoir. Hey, d'ailleurs, on a reçu une autre question cette semaine. Ah ouais? Ah ouais, Lunabit nous a écrit. On dit que le temps est relatif. Est-ce pour cette raison qu'à chaque fois qu'on voit un méga géant dans un film ou un jeu vidéo, il bouge au ralenti? Je trouvais que c'était une bonne question. Je pensais que c'était pour qu'il ait l'air lourd. Parce que s'il bougeait vite, il aurait de l'air léger puis il ferait pas peur. C'est vrai, hein? C'est comme les mouches. Là, les mouches, ils bougent en accéléré pour nous. Ah ouais? Pas parce qu'ils sont petits? Je me suis toujours demandé, genre, les chiens puis les mouches, que leur cœur bat, genre, 75 fois par seconde. Ça a leur cœur, une mouche? Ah ouais. Je sais pas. Peut-être. Ben, c'est un peu sans cœur, mais ça en a quand même un. Mais il me semble que c'est ça, genre, nous, notre cœur, il bat, 70 fois par minute, ouais. Genre au repos, me semble. Ouais. Les mouches, c'est genre 300. Un espèce de chiffre de fou de même, là. 200 fois par minute. C'est qu'il doit être tellement petit qu'il doit rien comme envoyer, là. Il doit pas avoir beaucoup de volume à envoyer de la shot, peut-être. Ouais, sûrement. Fait que ça peut aller plus vite. Mais tu dis, ça veut-tu dire que la mouche... C'est-tu pour ça, genre, que les mouches... Genre, tu fais un mouvement pour venir la taper, là, puis tu dis comme « man, je vais vite, là! » Puis là, c'est jamais assez puis, genre, vite. La mouche est comme « Non, man, je t'ai tellement vu venir, que la décolle, puis elle s'en va, puis là, ta main, elle Je sais pas si ça a rapport avec les battements de cœur. Parce qu'il y a des animaux qui ont des méchants réflexes, puis tu sais, je sais pas si leur cœur est pas plus vite, là. C'est genre, mettons, un guépard, là. Son cœur, il battrait-tu vraiment plus vite que nous autres? Ben, quand il court, sûrement qu'il doit battre quand même assez vite. Ouais. Je sais pas. C'est dur à dire. C'est une méchante question, ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, tu dis ça, puis ça vient de me faire penser. Il y avait un épisode de Kurzgesagt qui est toujours plaisant à prononcer. Kurzgesagt! In a nutshell. In a nutshell, c'est ça. In a nutshell. Qui parlait de la relativité, mais des objets. OK. Genre, tu sais, pas par rapport au temps spécifiquement, mais par rapport au... genre, nous, par notre... on a tout à peu, t'sais, plus ou moins le même gabarit, format. Genre, bon, il y en a qui sont plus petits puis de plus grands, mm-hmm. mais grosso modo, on est à peu près pareil. Versus, en fait, l'exemple qu'il donnait, c'était genre, tu vas sur le top de l'Empire State Building. Okay. Tu drops une coccinelle. Non, une coccinelle, ça vole. Donne-moi une bibitte qui vole pas. Une fourmi. Une punaise de lit. Une fourmi. Ah, okay. Tu pitches une fourmi, un humain, puis un éléphant. OK. Du haut du Empire State Building, ou de la Tour Eiffel. T'sais. OK. Et là, ils vont tomber. Ouais. La fourmi va arriver en bas, va faire « pouc », elle va faire « puis là, elle va partir. Ah ouais, l'humain, pas vrai? Ouais, ouais. Ça la se couchera pas, ouais, ça se peut. L'humain, il va arriver en bas, il va avoir les os cassés. Puis l'éléphant, il va arriver en bas, puis il va exploser en jus. Ben oui, ok, ouais, je comprends. Pourquoi? Parce que ça disait que par la taille d'une personne est en fait exponentielle dans les trois dimensions. C'est-à-dire que une petite bibitte qui mesure 5 mm, ben elle mesure, on arrondit là, 5 par 5 par 5 mm, ouais. Ce qui veut dire 5 fois 5, 25 fois 5, ça fait 125 mm carrés. Mm-hmm. Un humain, là, ça va être genre que 80 millions okay, oui, ça va être millimètres carrés. Puis ouais. Un éléphant, ça va être 72 bajillions de millimètres carrés. Puis comme les millimètres carrés, tu peux arrondir, là, mais ça donne à peu près le poids de la personne. Ça veut dire que la petite fourmi pèse à peu près rien. L'humain pèse comme des milliers de fois plus, puis l'éléphant pèse des millions de fois plus. Ça veut dire que la gravité t'affecte différemment, puis la résistance de l'air t'affecte différemment. Fait que la fourmi, elle a pas une résistance de l'air, puis elle arrive en bas, puis elle est comme « chill ». L'humain trouve ça moins drôle, puis l'éléphant... Mais pourtant, on a encore plus de résistance de l'air parce qu'on a encore plus de volume, genre. Ouais, mais par rapport au poids. Ouais, c'est ça, par rapport à la surface, genre. Je sais pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Mais c'est peut-être la force d'accélération aussi, genre, ça t'attire plus. Ça t'attire pas juste dans une fois plus ou 10 fois plus, mais ça t'attire genre 1 million de fois plus. Puis l'éléphant, c'est 1 bajillion de fois plus. Parce qu'il est juste fucking trop plus pesant. Puis plus t'es pesant, plus la gravité t'affecte plus. Genre, je sais pas. Je trouvais ça cool. Puis là, après, il donnait d'autres exemples, genre la résistance de l'eau. Nous autres, on va se baigner, puis on est comme, haha, chill. Je nage. Mm-hmm. Mais la plupart des bébites, comme une goutte d'eau, c'est comme genre, wow, résistance de l'eau, je peux pas passer là-dedans, puis ils sont comme pognés là, juste à cause d'une goutte. Alors que nous, on a comme, résistance de l'eau est pas assez forte pour nous affecter. Mais ça, à leur taille, ça les affecte. Fait. C'est clair. Mais juste ça me rappelle qu'il y avait des ingénieurs qui regardaient le vol d'une mouche dans de la pluie. Mm. Parce que c'est fou raide là, à quel point faut que ça s'adapte, parce qu'il faut qu'il dodge toutes les gouttes de pluie. Là. Ah. Alors que c'est super impressionnant, genre, parce que c'est une mouche qui vole dans la pluie. Si tu pognes une goutte en pleine gueule, tu descends là. C'est ça. C'est vraiment dangereux. Puis là, à tes puis t'es pogné là, puis là, faut que tu réussisses à sortir de la goutte. Puis là, après ça, elle sèche les ailes. Ouais. Pour essayer d'espérer repartir. Fait que c'est pas cool. Travail, là. Mais sont capables de dodger les gouttes. Ouais. Mais en ayant un pattern de vol qui est vraiment super. Tu sais, faut qu'il s'ajuste, là, faut qu'il y ait des réflexes, puis qu'il s'ajuste au quart de tour tout le temps. C'est comme Flappy Bird. Oh my god. Flappy Mouche, dodging bullets of rain. Flappy Mouche. Flappy Mouche. Ça sonne bien, je sais pas pourquoi. Fait que moi, les géants dans les films, ça devait être ça. C'est comme, ils sont tellement plus affectés par la gravité, de manière tellement plus exponentielle. Comme, ils jouent. Mais là, Lunabé, tu demandais par rapport au temps. Oh, ben là. Je sais pas. Je sais que les vaisseaux spatiaux, on dirait tout le temps qu'ils avancent pas. Parce que par rapport à l'espace, ben ça fait qu'on dirait qu'ils font du surplace. Ah ouais, mais c'est pour ça que dans tous les jeux vidéo de vaisseaux spatiaux, ils sont obligés de te mettre des lignes de futur, des lignes de particules. Du feu pis tout, là. Sinon, ouais. T'es comme genre, mais j'avance pas. J'avance pas. Le jeu est comme, t'avances à 72 000 km/h, c'est juste que c'est loin pis la planète est grosse, fait qu'elle bouge pas full vite. Mais quand c'est un space sim, là, c'est vraiment... Ouais. Ben, c'est ça. Oh my god! Ok, excuse-moi. Mon copain, il vient de sortir dehors, puis là, il gossait devant la porte. Je comprenais vraiment pas ce qu'il faisait. J'ai pas vu, j'ai reçu une photo. Il y a littéralement une souris dans notre entrée, mais comme le long du mur de la porte, genre à comme 4 pieds de haut. À comme 4 pieds du sol le long de la porte. Une souris. Ok, excusez. Je pensais pas que... Je savais qu'on avait ben des bestiaux dans le coin, mais les souris, c'est la première fois. C'est une cute des souris. Oui, elle est toute belle. Non. Bon, là, mon téléphone arrête pas de sonner. Purée. Ah, j'ai vu une souris à mon travail cette semaine. Les souris de recherche, là. Ah, ah, ah. J'ai fait le saut en tas. Comment ça a été échappé? Non, j'ai vu la cage, puis là, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à la petite souris. T'sais, il y avait comme un linge dessus, mais ça la couvrait pas complètement, fait que je me suis penchée pour dire bonjour à la petite souris. Puis ben, on est dans un laboratoire de recherche en neurobiologie, là, sur le cerveau et tout. Donc, elle avait juste comme une plug sur la tête. Mais c'est comme si c'était une mini-souris avec un port USB grandeur nature sur la tête, là. Fait que c'était... j'ai fait le saut un peu. Je m'attendais pas à ça. T'as-tu pris un selfie avec pour... Non. Le fille, tu dis souris. Oh! Oh! Oh! Le... Là, t'as probablement tout bousillé l'expérience. Là, tu y as fait peur. Ouais, j'espère que non. Je pense pas. J'espère que t'es dans le control group là, pour que ça annule. Que ça soit pas important. Je sais pas. Mais bref, c'est moi qui ai fait le saut. Quoi t'as joué, toi, Anne-Marie? J'ai joué à des affaires sur mon téléphone cette semaine. Moi aussi, j'ai joué à des affaires sur mon téléphone. En fait, j'ai joué à plein de patentes weird. Ah, ok. Genre... Tu me parlais de tes patentes weird ou je parle de patentes vraiment pas weird? Genre, j'ai joué à Katamari, puis ça, c'est comme le moins weird. Ah, c'était sur ton téléphone? Non, non, non. Ça, non. Ah, ok. Non, non, j'ai joué à Katamari 2. Ah, sur mais... PlayStation 2. Si tu pouvais le porter sur un téléphone, je serais super contente, moi. Il y avait un port de Katamari sur téléphone, mais il était pas très bon. Ça fait longtemps. Et puis, ils n'ont pas ressorti d'autres. Ils l'ont fait sur PSP. Ah, je pourrais aller me chercher ça en émulateur, genre. Mais je sais pas si ça marche avec les analogues. Que, ah, mais pour jouer avec une manette. J'ai des analogues stick sur ma manette, si je devrais être. Et t'as-tu joué au multijoueur dans le 2? C'est le seul bout que je connais parce que j'ai joué avec quelqu'un d'autre. Non. Il y a un mode multijoueur. Je l'ai essayé comme une fois avec mon frère. On a joué comme deux games et on a fait que c'est ça. C'est bien trop weird. Mais non, c'est cool. Il y a des objectifs où tu sais, celui qui ramasse le plus de tel objet, mettons, dans pièce. Puis t'es dans la même pièce. C'est quand même cool. C'est quand même sweet. Non, on va essayer. On va checker ça. Faut que je convainque ma blonde de vouloir jouer avec moi. Ben là, Katamari, c'est le fun. Ah ouais, j'ai mis la soundtrack après. On a joué, j'ai joué samedi ou dimanche, genre. Là, depuis, j'ai mis la soundtrack parce que j'ai tout une poignée dans la tête. Hier, je dansais sur Disco Prince partout dans l'appart. Oh my god. Oh ouais, c'est la meilleure toune. Yeah. Puis là, j'étais comme, ah oh oui, ah oh, ça c'est le meilleur bout de la toune. Il y a un bout où ce que genre, la bass, le drum arrête, comment t'appelles ça, le drum, ouais. Il arrête pendant un petit moment, là. Puis là, à un moment donné, il donne un coup, puis là, tu fais « Oh, il repart! » Mais là, il repart pas. Puis là, il repart! Okay. C'est comme le meilleur bout de la toune. Je l'ai fait recommencer, il vrai, 5 fois pour bien l'écouter. Parce que ça te surprend, genre, c'est ça? Je sais pas, mais c'est juste... C'est juste comme... C'est même pas vraiment descriptible. C'est juste tu l'écoutes, puis tu vas faire... Ok, naf, c'est pas si hot que ça. Je suis comme, non, non, non, man, c'est le meilleur bout de la toune, pis la toune est fucking bonne. Puis il skip un beat, genre, c'est ça? Mais c'est que, il arrête le drum pendant un bout, genre, il y a un bout de mellow. Pis là, le drum, il donne un coup. Pis Tu sais, pis là, tu t'attends à ce qu'il fasse comme pouf, pouf, pouf. Mais là, il fait comme pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. Tu sais, il y a comme une petite pause. Ouais, juste la petite pause qui est comme le death. C'est pas qu'il est paresseux, c'est juste. C'est de l'anticipation. C'est ça. La musique, c'est rien que ça, c'est de l'anticipation. C'est comme une slot machine. C'est bien drôle. C'est comme ouvrir un card pack. Ouais. Puis là, t'as une légendaire. Puis là, la légendaire, elle prend plus de temps à tourner. Puis elle chaîne. Puis là, tu fais comme, oh, j'ai une légendaire, c'est quoi? Puis là, ça dit, c'est un. Tu sais, là, je joue à Clash Royale. C'est un log. Oh, ouais. Ooh. Je suis la log lady. Dans Twin Peaks. Ah, j'ai pas vu Twin Peaks. J'ai pas écouté ça, Twin Peaks. Mais non. Il a fallu que je hack mon Netflix pour être capable d'écouter Netflix américain pour pouvoir écouter Twin Peaks. Ah, mais il faut que je fasse ça pour écouter Dr. House aussi, mais c'est tellement compliqué que je l'ai écouté juste une fois, genre. Ouais. Maudite cochonnerie. Ouais. Je vais aller le trouver sur Pirate Bay, ça va être plus facile. Ça se peut que ce soit plus facile. C'est ça qui est plate. Ah là là! Fait que ça, ouais, Katamari, c'est bon. Puis c'est le moins weird que j'ai joué. La semaine passée, on a-tu parlé finalement, genre, on a-tu parlé dans l'émission du jeu de trombone? Non, je pense pas. Ok. Okay. Parce que je me rappelle pas tant, c'était ben peut-être, clairement, ouais, tu t'en as parlé avec. C'est peut-être juste moi qui ai commis une note parce que je comprenais pas de quoi vous parliez, mais pour moi c'était après. Ok, Anne-Marie, faut que tu joues à ça. Tant que ça. Ok, c'est trop weird, Anne-Marie. C'était pas genre gratuit dans un browser, ça? Oh ouais, tu, okay. C'est un site web, là. C'est quoi, là? Je saurais même pas comment le trouver. Trombone Factory. Il y a quelqu'un qui me l'avait envoyé. En fait, Blob nous l'avait envoyé. Je sais pas, genre, qu'est-ce que tu cherches? Ah, oh, c'est Paperclip, quelque chose. Game? The game about AI making paperclips is the most addictive you'll play. OK, TheVerge.com, merci. What? No, there's a game about it. There's a game about it. Oh, shit. Oh, oui. OK. Make a paperclip, OK. Public demand, price per clip, cost. Mon Dieu, ça coûte cher faire un paperclip. OK, je mets le... Le paperclip, c'est le vendre. C'est le prix que tu le vends. Ah! Faut que tu cliques pour faire des paperclips. Mais il est où mon cash? OK. Là, je vais le mettre dans les jeux mentionnés. Paper. Available funds, 2,25. Bon, et non, price per clip, c'est 25 sous. Marketing, ah, oh, marketing level 1. Ah, OK. Bon, là, Anne-Marie... Et là, c'est parce que je vais faire des clics, clics, clics par-dessus oui, le podcast. Non, il faut pas que tu... Là, Anne-Marie, ouais. T'es pas encore accro. Ferme l'onglet. OK, OK. Mais je vais le bookmarker. Tu le bookmarks, tu le laisses dans un autre onglet, genre tu le sors de ta vue, tu l'oublies durant le temps du podcast. Après le podcast, tu pourras. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi c'est hot. Mon Chrome est planté. Tout va bien. Mon Chrome a planté. Bon. Ouais. J'espère que c'est pas à cause du jeu. OK, tu m'entends encore? Et je te voyais plus bouger. Ah. Ben, je suis encore là. OK. Fiu. Est-ce que tu vas survivre au plantage? J'espère. J'ai eu peur. J'ai fait le bookmark pour Paperclips, pis ça a genre tout fait planter. Wow. Ton ordi, es-tu dû pour un upgrade, bien. Anne-Marie? Mais je sais pas, hein, il laguait tantôt aussi. Oui, peut-être pas tant optimisé. Pis en plus, c'est ça, j'ai des ports USB qui marchent pas, j'suis un peu fâché. Why you know fonctionne? Ouais, Paperclip. Ouais? Tu cliques, ça fait des trombones. Tu vends tes trombones. Ouais, déjà là, ton marketing pour faire plus de trombones. Tu te fais des usines à trombones. Tu te fais. Déjà, ça me branche pas tant, moi, tout ça. Des machines qui clipent le métal pour faire plus de métal pour que tu puisses faire plus de trombones. Parce que si t'as pas assez de métal. Bon, ma blonde est en train de juger mes goûts jeux vidéo musique. Tu peux fermer les portes hein, si tu veux. Bon, on a ça en commun, là, moi aussi, okay. Je te juge un petit peu. À date, là, c'est... Là, OK. Mais là où ça devient hot, OK, c'est que ce jeu-là va t'apprendre... Tu sais, là, la semaine passée, je parlais de l'apocalypse des robots, là. Genre, ce jeu-là... L'apocalypse de... Ah, oui. Ce jeu-là, c'est ça. Ah ouais, ben, on a parlé de Paperclip, ça veut dire. Ce jeu-là, c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça. Après. puis c'est ça plus. Genre, j'ai lu un livre de science-fiction, puis je n'ai sûrement déjà parlé au podcast, ça s'appelait Spin. C'était genre la Terre qui était pognée dans une capsule qui ralentit le temps de manière relative, en tout cas, pour que l'espace, dans l'espace, ça, le temps va plus vite que sur Terre. Puis, ce jeu-là, c'est vers la fin du livre, là, quand ça touchait les concepts de physique puis de relativité vraiment fuckés, là, ouais. Ce jeu-là, après quelques jours de gameplay, puis des resets bizarres, puis des affaires, là, je suis rendu là. Je suis rendu à faire des sondes qui explorent, mais genre, les sondes, quand je les envoie, ils pètent. Fait que là, j'ai amélioré mes sondes pour qu'ils puissent elles-mêmes faire des bébés sondes pour que les bébés puissent survivre. Puis là, j'entraîne les sondes que j'envoie à résister aux intempéries puis aux trucs pour que leur descendance... C'est créer la vie, Anne-Marie. Tu fais des sondes, déjà? Ben, là, t'es pas rendu là, là. OK, mais ça, j'ai comme pas suivi le pourquoi tu ferais des sondes. Pour explorer l'espace. Ah, OK. Quand t'as c'est parce qu'Anne-Marie, à un moment donné, t'as tout converti la planète Terre. Toutes les ressources sont converties en trombones. Là, t'es comme, ça me prend plus de matière pour faire plus de trombones. OK. Là, tu détruis tout. Puis là, rendu là, t'as des drones qui construisent des usines de paperclip à ta place. Puis là, tu fais des sondes qui construisent des usines et des drones dans l'espace et qui font l'exploration spatiale. C'est malade, Marie. C'est malade, ce jeu-là. Ça a l'air con, là, mais genre, je reconnais tous les principes de relativité. Ça fait penser à Kitten's Game. Ah ouais, mais Kitten's Game, c'était juste con. Okay. Là je pense qu'il y a une valeur réellement éducative à ce jeu-là. Okay. Au jeu de trombone, au jeu de paperclips. Dans le sens que si tu demandes à un AI de faire le plus de trombone qu'il peut, c'est ça que ça va donner? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais ça c'est comme la deuxième phase du jeu. Là, toi, t'es dans la première phase. Il y a comme à un moment donné un bout où là, ça reset, puis là, ça change ta perspective dans le jeu. Puis là, t'es comme aux deuxième étape, genre AI. Puis là, moi, je suis rendu comme à la troisième étape où là, ça... Genre, c'est de l'exploration spatiale. Mais là, tu... Imagine, là, ça serait comme si tu fais... Si tu crées un... Ton objectif, c'est de te rendre sur une planète à l'autre bout, là-bas. Genre, dans une autre galaxie. Mais c'est tellement long que tu peux pas juste faire une sonde qui va se rendre là. C'est impossible. Mm-hmm. Puis toi-même, tu vas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une sonde qui va être capable d'atterrir sur des planètes, de se faire d'autres sondes, puis de se renvoyer pour continuer le voyage. Comme ça, s'il y en a une qui pète, ben elle en a construit plusieurs en chemin. Puis là, évidemment, si on faisait ça, si on était un être humain normal, ben on serait mort depuis longtemps. Genre, un million d'années plus tard, la sonde avait arrivé à destination. Mais les trombones sont encore vivants, les autres. Enfin, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, ce serait un humain, on peut jamais faire ce voyage-là, important. Mais comme là, c'est la durée de vie d'un trombone, fait qu'on s'en fout. Ouais, I guess. I guess. C'est... Le jeu te dit pas combien de temps s'est écoulé. Mais c'est... Ouais. Pis c'est pour ça que c'était cool dans le roman que je lisais Spin, là. C'est justement parce que là, la Terre était dans une enveloppe qui faisait que le temps en dehors allait plus vite qu'en dedans. Il pouvait faire ces manipulations-là parce qu'il pouvait dire genre, ah ben gars, on a besoin de coloniser Mars, ben on va envoyer des... T'sais, on serait jamais capable de terraformer Mars, mais là, parce que le temps va plus vite, on a juste envoyé une coupe de graines puis de l'eau. Ben oui, au bout de 10 000 ans, il y a comme un petit peu de verdure. Puis au bout de 100 millions d'années, là, il y a de la végétation partout. Mm-hmm. Mais sur Terre, il s'est juste écoulé une semaine. Okay. Fait que là, une semaine plus tard, on peut envoyer des gens sur Mars. C'est un peu fou, pour qu'ils puissent coloniser Mars. Puis genre, une semaine plus tard, il y a 80 milliards... Il y a 8 milliards d'habitants sur Mars. Une semaine sur Terre. Ouais, puis mais là, ils reviennent, puis là, ils disent genre, OK, ils m'ont envoyé en reconnaissance pour venir revoir nos fondateurs. Puis là, ouais. Le Martien dit genre, je sais que c'est un voyage de non-retour, parce que si je viens sur Terre, par le temps que je vais... Même si je reste 10 secondes, le temps que je reparte, je vais arriver sur Mars, puis là, tout le monde que je connais va être mort depuis 10 000 ans. Mais le progrès, par exemple, ça fait pas tant de sens. Ça veut dire que la Terre ferait plus de progrès, mais le monde sur Mars serait genre 1000 fois plus avancé. Là. Genre... Mais c'est, en fait, c'est exactement ça qui arrive, oui. OK. C'est exactement ça qui arrive. Puis là, les gens de Mars reviennent et apportent la technologie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur Terre. OK. C'est une manière de comme... Ah, c'est fou! C'est une manière de genre, on n'est pas capable, on sera jamais capable d'étudier le phénomène parce qu'il y avait une contrainte là, de temps, genre dans un an de sur Terre, la vie va... Il va y avoir une espèce d'apocalypse là, qui s'en venait. OK. Fait que là, il disait, on va envoyer des gens sur Mars. Nous, ça va nous prendre un mois pour préparer tout ça. Eux vont pouvoir faire des recherches pendant 2000 ans, puis ils vont pouvoir venir nous dire « What the fuck is going on? » puis comment s'en sortir. Grosso modo, c'était ça le livre. Wow. Puis après ça, il y a d'autres niveaux, là, parce que ça devient comme la recherche de l'espace à long terme, puis l'espèce de création de vie macro puis microscopique en même temps, là. Puis là, c'est là que tu fais comme genre, ouais, mais en fait, nous, les êtres humains, c'est ça, là. Genre, on est un réseau de cellules, puis tu descends plus bas, puis c'est un réseau de molécules qui se gogossent entre elles, puis qui font leur petite affaire, puis genre, au macro level, ça fait qu'on est capable de vivre puis d'enregistrer un podcast. Puis au macro level, ben, la planète Terre, elle continue son bonhomme de chemin, puis dans 10 millions d'années, elle va peut-être virer de bord un petit peu. Puis dans 100 millions d'années, le soleil va exploser. Puis c'est comme... C'est bien chill, parce que pour l'univers, c'est comme un pet. Mais ça me fait beaucoup penser à Space Plan. Ouais. Ouais, c'est le même vraiment, genre. Là, mais c'est ça, j'essayais de trouver... C'était quoi le jeu, là? Ouais, c'est ça, Space Plan, c'est que, genre, la Terre a déjà chié. Puis là, c'est ça, tu trouves une façon de faire aller le temps tellement vite que là, tu peux revenir puis là, voir qu'est-ce qui s'est passé, là. Oh, man, ça me fait penser. J'ai commencé à lire un truc. Bruno nous a envoyé une affaire l'autre fois à moi puis Camille. C'est un espèce d'histoire, mais il y a aussi des vidéos YouTube, puis de la musique, puis comme... Puis tu scrolles dans un calendrier pour voir l'histoire, puis là, après ça, il y a du texte, puis après ça, il y a comme... C'est fucké, puis ça parle de football. OK. C'est comme... Dans 10 000 ans, genre, les epic games de football, tels que racontés par des sondes spatiales qui observent les humains, genre, c'est fucké, là. Attends. Comment je fais pour trouver comment ça s'appelle? Je l'ai ouvert dans un onglet. Attends. On va. Tant qu'à parler. OK. J'ai aucune idée comment retrouver. Je vais mettre le lien. Je vais essayer de mettre le lien comme sur notre site là, pour que je puisse le trouver. OK. Comment je fais pour... OK, chapter 1. OK, c'est ça que je veux. J'ai le lien. C'est ça? Non, c'est pas le bon lien. Je veux... Ah, il y avait une intro. C'était tellement drôle parce que quand Bruno nous a envoyé le lien, ça commence... ça a l'air d'un site de sport de football. Puis là, tu commences à lire. Tu fais, pourquoi Bruno m'a envoyé un site de football? Puis là, genre, il y a comme du noir qui apparaît. Puis là, ça change. C'est juste comme une... C'est comme une joke. C'est juste ça l'adresse? Je pense que l'histoire est hostée sur un vrai site de football. SBN... SBNation.com. Ouais, ça a l'air de... C'est comme un vrai site de football qui host un esti d'histoire fuckée de football. OK, je vais pas être capable de mettre le lien parce que là, ça a l'air compliqué de retrouver la bonne affaire. Mais okay. Je vais le mettre dans les notes. Donc, l'histoire... Je l'ai écrit live. L'histoire de football... Weird. Avec des sondes spatiales. OK. Wow. T'es sûr que c'est pas toi qui rêvais au football pis à ton jeu de paperclips? Ah non, ça fait longtemps que vous m'envoyez ça. Il faudrait que je continue de le lire d'ailleurs. C'était vraiment weird pis bon. Wow. C'était comme si Twin Peaks... C'était comme un mélange de Twin Peaks... de football puis de science-fiction. OK. Futuriste. Dans, wow. dans 10 000 ans. OK. Genre. Ouais, c'était ça. C'est bon. Mais, fait que, ouais, c'était le jeu de paperclip. C'est, je vais aussi mettre le lien parce que c'est weird puis c'est bon. Mm-hmm. Et je t'encourage à l'essayer. Et toi, Anne-Marie? T'as joué à Device 6? Ouais, j'ai tellement aimé ça. C'est moins weird, hein? C'est moins weird? Ben, que tous les weird trucs que j'ai parlé. Ah, je sais pas, mais c'est que j'ai vraiment trouvé qu'il utilise à fond le fait que c'est un jeu sur un téléphone, là. Genre, il utilise à fond le format puis le fait que ce soit un écran tactile, là. J'ai vraiment apprécié tout le côté tactile. Genre, ton téléphone devient vraiment un outil qu'il faut que tu manipules, que tu tournes dans tous les sens, puis il faut que tu écoutes avec attention. Faut que tu bouges juste parfaitement. Faut que tu swipes tes doigts comme il faut pour voir les indices. J'ai vraiment aimé comment il a réussi à rendre ce qui est en fait une text-based adventure, là, qui est en fait un jeu avec juste du texte ou presque, puis quelques puzzles, mais qui a réussi à rendre ça genre multisensoriel, puis à faire en sorte que t'es tout le temps après interagi, pas juste en train de lire passivement, t'es tout le temps actif, en train de faire bouger des trucs. Mm-hmm. J'ai vraiment trouvé que c'était bien, bien fait. Mais de ce que je vois, là, j'ai commencé Sailor's Dream par la même compagnie aussi, puis ça aussi, tu bouges pas mal, là. Mais c'est pas comme le texte dans Device 6, je trouve. Où ton personnage est dans une pièce, puis là, t'as un bloc de texte, un paragraphe. Puis là, quand t'es dans un corridor, c'est juste une ligne, puis il faut que tu swipes pour suivre la ligne, puis finir la phrase. Puis là, quand t'es dans une autre pièce, ben là, c'est un autre bloc. Donc, la façon que le texte est organisé, c'est aussi la géographie d'où est-ce que tu te situes. T'sais, tu montes des escaliers, puis le texte va comme être en escalier. C'est vraiment, vraiment original. Je pense que je me souviens quand les créateurs avaient fait le jeu, c'est Simogo, le studio. Quand ils ont fait le jeu, ils disaient, genre, on essayait de penser à qu'est-ce que c'est un roman sur un téléphone. Parce que oui, mm-hmm. Tu peux juste lire puis swiper des pages, comme dans le... n'importe qui, ou scroll une page web. Mm-hmm. On a essayé de dire, genre, non, un roman qui rendrait tous les éléments de cet appareil-là, qu'est-ce que ça donnerait? Ben, ça donne Device 6. Ouais. Ah, ça paraît qu'ils ont comme vraiment étudié, puis justement, c'est ça, ça prouve que si tu fais un jeu qui est juste basé sur le texte, sur un téléphone, il y a moyen de rendre ça mille fois plus interactif. Mille fois plus intéressant, puis de te permettre de jouer aussi, tu peux revenir dans le texte, puis tu peux revenir en arrière, comme retracer tes pas, puis ensuite retourner, relire des sections, voir, OK, qu'est-ce qu'il y avait ici, retourner faire les puzzles plus loin. Tandis qu'un des problèmes, je trouve, quand je lis un roman sur mon téléphone, c'est que si jamais j'oublie quelque chose, je peux comme pas vraiment revenir en arrière puis essayer de voir qu'est-ce que j'ai. Parce qu'il y aurait juste la dernière page sur laquelle tu étais. Tandis que quand t'as un roman physique, tu peux mettre ton doigt en dessous de la page, puis là, tu scrolles dans les pages avant pour voir qui c'est qui, donc, ce personnage-là et tout. Mais sur un téléphone, ça se fait super mal, je trouve. J'apprécie vraiment, vraiment pas. Tu veux dire quand tu lis un e-book, mettons? Hein? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à lire un peu sur mon téléphone, puis c'est ça, si jamais ça fait longtemps que j'ai pas lu, puis que je suis perdu, c'est pas le même feel. Ouais. Mais Device 6, c'est vraiment... Puis les tableaux sont pas trop longs, là. C'est pas trop de texte non plus. Je trouve que ça se fait vraiment bien. C'était des bonnes c'est petites portions. Ça s'est séparé en niveaux? Oui. Ah, tu l'as pas fait? Je pensais que tu avais joué. Ah oui, oui, oui, c'est séparé en, ben, en tableau un peu, en chapitre. Ouais, c'est ça, en chapitre. Un roman. Okay. Ouais, ben oui. Mais toute l'écriture, la façon que c'est écrit, c'est super intéressant. Tu le sais quand c'est... quand tu lis ce qui se passe, puis tu sais quand c'est le personnage, c'est plutôt ce que le personnage pense, et non ce qui se passe dans la pièce, c'est écrit un peu différemment. Ça joue vraiment beaucoup avec le fait que tu peux, que c'est tactile, que tu peux swiper à gauche, à droite pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand tu vois ce qui se passe dans une pièce, souvent, tu as juste un carré dans ton écran, puis dépendamment que tu te déplaces à gauche, à droite, ça révèle comme toute la pièce. Comme si c'était un panoramique, mais que tu vois juste dans un carré. Fait que ça donne l'impression que tu explores la pièce un peu. De façon tactile. Donc, en touchant, tu te déplaces comme ton point de vue à travers la pièce. Donc, c'est vraiment interactif. C'est à jouer avec le son, par contre, parce que il y a plusieurs puzzles que c'est auditif. Donc, c'est moi qui ai tendance à pas jouer avec le son. Là. Ce jeu-là, c'est vraiment important de jouer avec le son. Puis, il faut être bon en anglais parce que c'est ça, il y a des puzzles auditifs. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'on te raconte. Mais toute l'histoire et tout, là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Là. C'est un personnage. Quel genre d'histoire? C'est mystérieux. Tu as un personnage qui se lève à un endroit que tu reconnais pas, puis tu reconnais rien de ce qu'il y a, puis là, il y a des. On dirait qu'il y a des puzzles de cachets un peu partout, puis tout est bizarre. Roman policier, roman mystère. Ouais, un mystère. Ouais. C'est comme un peu toujours à la première personne, puis c'est pas une longue histoire non plus, là. C'est pas super long à faire, mais c'est plus parce que justement, chaque chapitre, tu vas les explorer complètement. Tu vas toujours revenir en arrière pour voir, OK, quels indices que j'ai manqués, parce qu'il y a tout le temps comme des puzzles bizarres pour débloquer des portes, puis tous les indices sont là, tous les indices sont dans les pièces que tu as explorées, mais sont pas évidents à trouver, donc il faut que tu reviennes, il faut que tu cherches... à travers les images, à travers le texte, puis à travers les sons aussi. Ah. Puis il y a tellement des détails, là, justement, dans l'environnement sonore. Là, quand tu marches à travers un corridor, ben là, au lieu d'être un paragraphe, c'est juste une ligne de texte, puis il faut que tu swipes tout le temps. Dans le fond, il faut que tu fasses avancer ton écran, défiler ton écran pour lire toute la ligne de texte jusqu'à ce que tu arrives à la fin du corridor. Mais plus tu défiles, t'entends tes pas. Ben oui. Ouais, fait que si t'arrêtes puis que tu lis, t'entends pas de pas, mais là, tu continues à faire défiler ton écran puis t'entends poc, poc, poc, que t'avances vraiment à travers le corridor. Puis tu sais, quand t'arrives à une porte, ben là, t'entends quand tu swipes puis que là, t'as le bloc de texte. Ouais, exactement. Fait que t'es vraiment immersé comme dans la... Tu fais pas juste lire un texte passivement, là, c'est vraiment plus que ça. Hein. Man. Puis quand t'arrives à un embranchement, mettons que tu peux aller à gauche, à droite, mais là, tu peux swiper à gauche, à droite, puis le texte part dans les deux directions. Fait que c'est toi qui choisis, genre. Le texte qui continue vraiment dans les deux directions, t'es comme, ah non, OK, quelle phrase que je prends, genre. Fait que ça, tu peux continuer à scroller de l'autre côté. Fait que là, à un moment donné, t'arrives à un cul-de-sac, puis là, tu reviens de l'autre côté, tu explores l'autre côté, puis là, ça... éventuellement tu trouves tous les indices là. Mais je le recommande vraiment fortement, je trouve que ça explore tellement comme au maximum là, genre le médium. Cool, je devrais vraiment m'y mettre plutôt que de jouer à des niaiseries. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr, faut être concentré. T'sais, jouer à des niaiseries sur le téléphone, c'est le fun aussi si t'as comme pas vraiment de temps, si t'as pas tes écouteurs, t'es pas concentré. Ça je comprends. Mais, device 6, faut tu sais, là, parce que c'est ça, il y a des puzzles auditifs où, genre, tu vas avoir un personnage qui te parle, il faut t'enregistrer ce qu'il dit. Il y a même des moments où, comme, j'écris sur un bout de papier, là, pour me rappeler des trucs. c'est des puzzles à ce point-là, là. C'est pas facile. Faut que tu sois attentif, mais c'est facile. Ouais, c'est ça. Ça demande un peu de travail, mais pas tant que ça. Là. Mais ça demande de l'attention, c'est plus ça. Ouais. Tu portes attention à ce que tu regardes. C'est pas genre de witness. Ben, c'est aussi, il faut que tu portes attention. Ouais, mais il faut que tu fasses plus que juste porter attention. Ah, ok. Ouais, c'est peut-être pas si dur que ça, ouais. Mais si jamais t'as juste 2 secondes, j'ai joué à Colorful, que j'ai bien aimé. C'est un petit jeu de rien, c'est un petit jeu de puzzle. C'est comme des mineurs, mais avec des couleurs. Fait que ça Des vient un couleurs. peu... Hein? Comme des mineurs, mais avec des couleurs. Fait que c'est des Ouais, couleurs. des couleurs. Des couleurs, des mineurs. Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu comme des mineurs, au sens où, genre, aussitôt tu te trompes, et c'est fini. Ta game est finie. Fait que t'as pas droit à l'erreur. Puis moi, c'est comme une grille avec des couleurs. Puis moi, quand je joue à Picross, genre, je tapoche un peu partout. Puis genre, si jamais je me trompe, je l'efface. Ou, tu sais, je vais plutôt avec la vitesse plutôt que la qualité de mes clics, mettons. Et là, faut Mais vraiment comment pas que je tu fasse ça avec ce fais? jeu-là. Puis Cross, si tu fais une erreur, ça te chie tout ton puzzle. Non, non, mais tu sais, mettons, tu cliques à côté, tu fais, ah oh non, c'est vrai, j'ai cliqué à côté, je vais l'effacer, là. C'est comme je dépasse par-dessus les lignes puis j'efface après, mettons, ce serait peut-être un peu ça, là. Ok. C'est pendant que je le fais, là, en plus, parce que t'es avec ton doigt, là, fait que t'es pas précis avec ton doigt, là, fait que, tu sais, je vais pas cliquer chaque carré super précisément quand je le fais tactile, là. Je vais juste beurrer toute ma ligne, puis là, finalement, s'il y avait un point de trop, je l'enlève, t'sais. Mais Colorful, vous pouvez pas faire ça. Tu cliques à côté, t'es fini. C'est comme des mineurs. Faut être Tu pognes la muscu. bombe. Bon, Mais ça là, dépend. c'est... Les pros des mineurs, font ça à toute vitesse. Ah ouais, sûrement. Mais c'est un peu le même principe. Dans le fond, chaque... Tu commences la game, puis t'as tout ton... Dans le fond, c'est une grille, là. Mais dans la grille, il y a déjà des pièces. Dans le fond, il y a déjà au moins un carré de chaque couleur. Puis là, ça dit tout le tour, t'as combien de carrés de la même couleur qui sont adjacents, dans le fond. Fait que c'est ça. Donc là, faut que tu remplisses tout avec toutes les couleurs, mais qu'ils soient toutes remplies comme faut avec les bonnes couleurs adjacentes. Mais c'est ça, si tu cliques sur un carré qui aurait dû être de l'autre couleur, paf, t'es mort. C'est un peu intense. Ouais. Mais c'est vraiment comme des mineurs, fait que c'est le fun. Parce que là, il faut vraiment que tu calcules, là, OK. Tu sais, c'est sûr, s'il est marqué 8 adjacents, ben là, c'est parfait. Tous ceux qui sont adjacents sont de la même couleur. Mais là, quand c'est marqué 4 adjacents, là, ça peut être plein de choses. Fait que là, il faudrait voir les autres couleurs pour voir qui c'est qui pourrait ou pas être là. Bref. Mais ça m'a rendu un peu accro, là. Je trouve que le jeu prend beaucoup de batterie, comme pour aucune raison, parce que, tu sais, c'est pas vraiment... C'est décoré avec des couleurs, là. Mais c'est vraiment le fun. Ouais. Bref, c'était mon jeu tranquille. C'est bon, ça. Parlant de Oui. mine. Oui. Parlant Parlant de de mine. mine. Ben oui, de mine. Pourquoi On a pas? parlé de mine. Ben, t'as parlé des mineurs. Oh, OK, mon Dieu, je cherchais. Ces mines-là, là. Les mines qui t'explosent dans la face. Ben oui. Le nouveau Je bonhomme trouve de qu'on a Heroes of presque the les noms. Storm. Ah, il met-tu des mines? Il met des mines. Oh là C'est là. Junkrat de Overwatch. Ah, Ils ont ramené Junkrat dans Heroes of the Storm. OK. Est-ce qui Oui. est drôle? Oh my god! Moi, Genre, je mélange Roadhog et Junkrat, là. Je suis un gros mélangeur. Junkrat, c'est le petit avec la jambe en métal qui met Ah! des mines puis qui tire des grenades puis qui a une grosse roue explosive. OK. Il y a une grosse roue explosive. Mais oui, il passe, il se cache, puis il pitch sa grosse roue avec des Ah oui, pics. dans son dos. Ouais, dans son dos, puis là, la part, puis là, t'as contrôle télécommandé, puis là, tu l'amènes où il y a des ennemis, puis t'as fait exploser dans leur face, puis toi, t'es loin en arrière, fait que t'es en sécurité. Et, Bon, ouais. j'ai pas eu besoin de scroller loin pour trouver des choses érotiques. Je vais rester dans le haut des résultats. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as cherché, Anne-Marie? Junkrat! Ah, quand Ouais, mais même. c'est connu que Overwatch, c'est genre full porn partout, là. Mais ce que je me disais, ce personnage-là, sûrement que non, mais j'aurais dû avoir plus espoir en l'humanité. Wow. Oh, ça, c'est un beau cosplay, vraiment. De Junkrat. Ouais. Mais Bref. ouais, fait que là, ils ont ramené le bonhomme, puis tu sais, des fois, Heroes of the Storm, ils enregistrent les voix, puis les voix sont drôles, puis tu fais comme, ah, c'est drôle. Junkrat, c'est un qui est drôle, oui, dans ses voix, mais il est drôle juste à jouer. Parce que c'est le bonhomme qui fout la merde partout. Ah, il a l'air de ça. Il a l'air d'un petit maudit. Il a l'air d'un petit maudit, puis because Il a he is. vraiment l'air d'un petit maudit. Est-ce que c'est drôle? Genre, Je mets, tu sais, il pitch des... Son attaque comme principale, c'est qu'il pitch des grenades. Comme, avec okay. beaucoup de range, là, des grenades. Puis si la grenade elle touche un héros ennemi, elle explose tout de suite. Fait que, tu sais, t'as pas... Okay. T'as besoin d'être quand même précis, mais t'as pas besoin d'être super précis. T'as juste espéré qu'il y en ait une qui rebondisse puis qui pogne quelqu'un. OK, parce qu'ils rebondissent. Ouais. OK. Puis, fait que là, fait que tu maudis des grenades super longue portée. Là, l'autre équipe, sont là comme tabarnak. Genre, on essaie d'avoir... Tu sais, on a notre front... On a notre tank. Puis moi, je suis... Tu sais, je suis un assassin. Moi, j'imagine, là, l'assassin, le backline de l'autre équipe. Ouais. Tu te dis, ah, je vais rester derrière mes tanks. Sauf qu'il y a le petit maudit Junkrat, c'est-à-dire moi, qui maudit des grenades par-dessus le tank pour pogner ceux en arrière. Là, ils sont là comme tabarnak! Puis là, ils se tassent. Puis là, ils s'en vont dans tous les sens. Ou là, ils font comme « Maudit Junkrat, on va essayer de tout sauter dessus. » Parce que Junkrat, il met des pièges. Il y a une espèce de grosse trap, style piège à ours. Okay. S'il y a un ennemi qui pogne là-dedans, la trap, elle l'emprisonne là, puis il peut plus bouger pendant une couple de secondes. Fait que tu mets ça pour le monde qui essaie de sauter dessus. Ah ouais. Puis okay. t'as aussi une mine que tu... C'est toi qui pèses pour la faire exploser quand tu veux. Okay. Elle est super versatile parce que s'il y a des ennemis qui embarquent dessus, tu pèses dessus, ça leur fait du damage, ça explose, ça leur fait du damage, puis ils revolent. Oh boy, mais eux autres, ils voient pas. Ils peuvent pas se spotter. Oui, ils voient. Ok. Ils auraient juste à l'éviter, mais tu peux leur pitcher dessus puis la faire exploser presque tout de suite. Fait que. Ben, ils peuvent pas vraiment l'éviter dans ce temps-là. Fait que là, ils viennent tous te courir après. Puis là, ils dodge ton piège à ours pendant que tu continues à leur pitcher des grenades d'en face. Colin. Ils en viennent, tu te... Là, tu mets une mine, c'est... Non! Bibi! Puis là, ils revoltent partout dans tous les morts. Puis là, ton équipe, sont comme... Ah, il y en a un du seul. Puis ils tuent. Non, oui. Ils des... Wow! Ou puis, les mines aussi, tu peux t'en servir pour toi exploser dessus. Puis là, ça te goroche. Fait que tu peux t'en servir pour passer par-dessus les murs. Ah, oh, OK. T'échapper, tu te fais courir après, puis là, tu fais « Oh shit, faut que je m'en aille d'ici », tu mets une mine, puis là, t'as fait exploser avec le bon timing pour toi te faire pitcher par en avant, puis eux par en arrière. Oh, OK, mais ça te fait pas mal? Non. Ah, ça te fait pas mal à toi, OK. Ça te fait pas mal, c'est juste un push. OK. Oh, mais c'est cool, ça. Man, j'ai fait une game aujourd'hui, là, j'étais mort de rire avec un autre gars à job, là. Genre, lui, il prenait un tank, il dit, j'ai dit, parce que Junkrat, en fait, sa faiblesse, il est super fort, mais sa grosse faiblesse, c'est qu'il a presque pas de vie. Là. OK. Fait que j'ai dit, le gars, il s'appelait Mathieu. J'ai dit, Mathieu, tant que tu restes proche de moi, genre, tu fais rien, moi, je fais le damage, puis s'il y en a un qui me saute dessus, toi, tu le pognes, puis tu l'arrêtes. Parce que c'est okay. un tank, il peut comme l'empêcher. Fait que je dis, fais ça, puis on gagne. Puis on a fait ça. Moi, je faisais pitcher des grenades partout. Puis là, dès que je faisais exploser quelqu'un qui était isolé, là, lui, il sautait dessus pour l'empêcher de bouger pendant que nos turrets tiraient dessus. J'étais là comme ha ha ha. Incluant. Parce que, tu sais, là, un mois ou deux, ils ont introduit Garrosh, le warrior de World of Warcraft. Il est dans Hearthstone aussi. Garrosh. Il s'appelle Garrosh. C'est un bon nom de warrior, ça. Garrosh. Garrosh. Mais c'est son nom en anglais, là. Je sais pas si c'est volontaire. Je sais pas si c'est comme du slang québécois qui est rentré dans World of Warcraft. C'est très drôle. Hein? C'est beaucoup trop parfait. Parce que dans Heroes of the Storm, qu'est-ce qu'il fait Garrosh? Il pogne le monde, pis il est Garrosh. Ce qui est vraiment frustrant. Parce que quand tu te fais pogner par Garrosh, pis qu'il te pogne, pis qu'il te tire derrière sa porte, pis là t'as des turrets qui te tirent dessus, là t'es là comme « Fuck! » Je me suis fait avoir. Ben là, qu'est-ce que j'ai fait avec Junkrat à midi? J'ai mis une mine, puis c'est Garrosh qui s'est fait garrocher derrière notre mur. Il s'est fait manger des turrets. J'étais là comme « Tain, mon esti, Garrosh à la merde! » Ou tu fais un one-on-one, genre avec un tank, là. Il y en a un, c'est Mouradin. Il fait pas beaucoup de damage, mais il peut te poigner. Fait que là, j'étais comme, il essaye de me courir après, moi je pêche des grenades. Puis là, je mets une mine. Puis là, je tourne autour de la mine. Là, j'étais comme, ah ouais, viens me pogner, marche sur ma mine. C'est le nouveau Timo, dans le fond, là. Puis là, j'imaginais Mouradine dans sa tête, disait genre, non, je vais pas marcher sur ton esti de mine. C'était trop parfait. Puis là, quand l'autre équipe, il leur reste plus beaucoup de vie, là, puis là, ils sont comme, fuck, on a mangé 75 grenades, faut qu'on en aille 17. Là, ils s'en vont. Là, tu pognes ta grosse roue à pic. Là, tu passes ça. Puis là, t'envoies ta grosse roue à pic pour leur sauter dessus, puis exploser dans leur face, puis les tuer. Oh, man, c'était trop parfait. C'est vraiment troll. Bref, il vient juste de sortir. Je l'avais joué exceptionnellement. J'avais joué sur le PTR la semaine passée de Heroes of the Storm, c'est le serveur de test. Public test run. Et j'avais acheté Junkrat là-dessus pour l'essayer parce que les gens disaient qu'il avait de l'air cool. Fait que là, je l'ai essayé. Je suis tombé en amour avec. Fait que je l'ai acheté instantanément quand il est sorti mardi sur les vrais serveurs. Et c'est zéro regret à date. Ça valait la peine. Ce qui est drôle. C'était ça mon histoire de mine. Good. Là, si je voulais être vraiment pas fin, je vous enverrais Mauvaise mine de Michel Rivard. Puis là, vous auriez cette toune très drôle de poignée dans la tête pendant toute la semaine. Je pense que je la connais pas, en fait, ça me dit rien. Okay. C'est plus comme un sketch d'humour qu'une toune. Ah, okay. C'est un sketch d'humour dans lequel il essaye de chanter une toune. Okay. Mauvaise mine, Michel Rivard. Je regarderai ça. Michel Rivard au Spectrum, 1983. Wow! C'est vintage, hein? C'est ça? Non. Ça dure 58 minutes, c'est sûr, c'est pas ça. Bon, je vais la retrouver. Puis la partager. Il y a un peu de stress. À 58 minutes, ça doit être sa performance au grand complet. Hein? Ouais, ben je pense que c'est un show complet. Là. Ah, ok, oh. Ouais, c'est ça. T'as joué à Split? Oui, ah, c'est vrai, ben oui, dans la lignée des jeux de Simogo, ouais, j'ai essayé ce Split, S-P-L, trait d'union T. Split. Split. Mais ça aussi, c'est un jeu de puzzle, mais comme le niveau, il est toujours pareil, puis c'est juste toi qui peux juste te rendre le plus loin possible. Ah, mettons. C'est ce genre de jeu-là. Ouais, c'est ça, puis il n'y a pas de facteur random. Fait que c'est juste toi qui comprends le principe, puis qui peux se rendre le plus loin possible. Fait que le principe de Split, c'est que toutes les formes, tu les coupes en deux. Fait que tu commences avec ton écran complet et tu le coupes en deux, mettons horizontalement. Sauf que si tu fais un split horizontal, la prochaine fois, tu splits à la verticale. La prochaine fois, tu splits à l'horizontale. La prochaine fois, tu splits à la verticale. Fait que ça alterne tout le temps. Mm-hmm. Jusqu'à ce que tu puisses plus splitter parce que c'est rendu trop petit. OK. Ouais, fait que là, tu splits tout ton écran. Sauf qu'à chaque fois que tu fais au moins quatre formes de la même taille adjacente, mettons quatre carrés de la même grosseur adjacente, fait que mettons que, c'est ça, t'as splitté horizontal, après ça t'as splitté une fois vertical en haut, puis là t'as splitté ton autre horizontal ailleurs, puis là t'as splitté une fois vertical en bas, fait que là ça donne quatre carrés. Là, ils fusionnent ensemble, puis il y a un chiffre dessus. Fait que mettons qu'il y a 8 dessus, mais ça prend 8 moves à faire ailleurs pour que ces carrés-là, ils disparaissent. Fait que là, faut que tu réussisses à splitter le plus possible ailleurs pour que ces carrés-là, ils disparaissent. Puis là, toutes les formes que tu as splittées vont tomber, pouf, comme dans un Tetris, mettons. Ils vont glisser, puis il y a des formes vides qui vont apparaître en haut. Là, tu vas pouvoir commencer à splitter ton espace. Puis le but, c'est que tu splittes le plus, mais sans jamais finir. Fait qu'en justement, en clairant des affaires que tu as trop splittées, puis en continuant, mais c'est ça, c'est pas, il y a aucun random, c'est toi qui pars avec ton écran vierge, puis qui décide qu'est-ce que tu coupes en deux, puis c'est juste l'optimisation. Alors, plus tu joues, plus tu optimises la façon que tu vas, la stratégie que tu vas utiliser. Est-ce que je fais tout de suite des grosses formes, des cartes pareilles pour que ça puisse commencer à s'éliminer? Sauf que des fois, les cartes pareilles, il est marqué 32 dessus. Donc là, il faut que tu réussisses à splitter 32 fois en dehors. Puis si c'est trop petit puis tu peux plus splitter, mais là, tu peux comme plus rien faire avec. Mais pour qui est un peu bloqué. Décide le chiffre, c'est hasard? Je sais pas si c'est la grosseur ou la quantité que tu as. Ça, j'ai pas compris encore. Qu'est-ce qui décide le chiffre dessus? La grosseur, ça serait. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais plus s'il l'expliquait dans le tutoriel. Faudrait que je le relise. Mais fait que c'est vraiment comme toi contre toi-même. Là, genre, c'est vraiment la stratégie que tu vas employer pour faire le plus de split possible. Avant. Dans le fond, ça finit quand t'es plus capable de rien diviser. Fait que quand t'as des sections qui sont bloquées puis qu'il y a un chiffre dessus puis que t'as pas réussi à les passer puis que tout le reste de ton écran, tu l'as splitté tellement que tu peux plus rien faire avec puis t'as pas réussi à avoir des cartes pareilles, mettons. Fait que c'est toujours, c'est ton high score puis tu l'améliores tout le temps, tout le temps. Fait que c'est bien. C'est le fun. C'est moins mon style de jeu, là. J'aime ça quand il y a du random puis que ça change. J'aime bien mon démineur avec des couleurs. Là. Comme ça, t'as l'impression de progresser plutôt que d'être. Oui, ouais. Mais je sais que c'est le genre de défi qu'il y a ben du monde qui aime, là, de juste comme, tu sais, c'est comme c'est un puzzle puis t'essaies de faire vraiment le mieux possible avec. Là. C'est un puzzle qui est impossible, j'imagine. Ben, c'est que ça va toujours continuer. Il y a pas de fin. Pas de fin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, t'élimines des sections. Tu ne peux que perdre. Oui, c'est ça. Mais prendre le plus de temps possible avant de perdre, mettons. C'est comme, voyons. Le Threes. Ouais. Ah, mais Threes, ça se gagnait, par exemple. Il y a vraiment une fin. Ah, oh, ouais. Ouais. Ça a pris des années avec quelqu'un la trouve, là. Il y a une fin. Il y a une fin à Trees. Impossible à atteindre. Ouais. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui, mais là. Quelqu'un de vraiment motivé. Une personne dans le monde a réussi à date. Ouais. Ish. Ouais. puis tout le monde a fait comme quoi? Il y avait une fin dans ce jeu-là? Oui, c'est ça, parce que le monde n'a pas réalisé que. Ouais, c'est juste te rendre, ouais. Plus gros multiplicateur possible. Je sais pas trop. Au plus gros chiffre. Les devs étaient comme, bon, là, faut faire rentrer un esti de gros chiffre dans une toute petite case de place. Fait qu'on va dire que s'il y en a plus de chiffres après ça, ça va être la fin. Puis là, l'autre dit, ouais, mais on sait-tu si c'est possible de se rendre là? Bah, on verra. Ça devrait être théoriquement possible. C'est comme dans Spelunky, là. Le gros, il y a comme un gros fantôme qui te court après. Si tu prends trop de temps dans un tableau, puis il est pas tuable parce que c'est un gros fantôme qui te court après à l'infini. Okay. Ben non, mais là, il y a quelqu'un qui a trouvé comment le tuer, évidemment. Parce que le dev, il a juste mis 1 million de HP en se disant que jamais personne réussirait à taper 1 million de fois. Mais non, évidemment, il y a quelqu'un qui a trouvé que si tu l'attires dans la lave, la lave, il fait du dommage. Là, si tu gosses autour pour le laisser dans la lave, parce qu'il te suit tout le temps, mais tu le kites pour qu'il reste dans la lave pendant full longtemps, il finit par mourir. Bon, good job, Internet. Ouais. Fait que ça s'appelle Split. Split. Ouais, SPL-T. Moi, je regardais le jeu, puis la description sur l'App Store est tellement. Le jeu est ultra minimaliste. C'est genre un écran noir avec des lignes et des chiffres. Oui, c'est ça. Puis tout ce que tu fais, c'est splitter des trucs en deux. Là. Puis c'est vraiment intéressant. Comme. Le trailer, c'est juste tu vois des lignes qui se split puis tu comprends rien. puis la description, c'est genre We promise it's good. Mais tu sais, comme. Ça dit rien, ça! C'est quoi ce petit jeu-là? Mais je pense qu'ils ont compris que les gens qui vont aimer ça vont le reconnaître, faire comme « ça a de l'air cool, ça a de l'air du genre de truc que j'aime », puis tous les autres vont faire « what the fuck is this? Je m'en vais! » Mais eux autres, ils s'en foutent parce qu'ils sont comme « on sait à qui on s'adresse. » Ouais, c'est ça, exactement. Ces gens-là se reconnaissent. C'est les gens qui ont joué à... Comment ça s'appelait là, le jeu de golf infini en 2D sur téléphone? Desert Golfing. Desert Golf. Est-ce que j'ai joué à ça? Oh man, ça me donne envie de le réinstaller. Desert Golf. Le monde, il y a du monde qui en fait. J'ai toujours pas installé. Je trouvais que c'était pas tant mon genre. Me dis, tu l'essayes, tu joues 5 minutes, puis tu fais comme « ok, j'ai compris », puis là t'arrêtes. Ouais. Le problème, c'est que tu joues 5 minutes, puis tu fais comme « ah, oh, I see this, ça feel good ». Là, tu t'améliores. Puis là, je suis pas sûr que Prudhomme me l'a montré. Tu deviens à faire des trous d'un coup, puis à comprendre la physique pour optimiser tes affaires. Puis parce que les tableaux sont générés aléatoirement dans... Ben, pas aléatoirement. Les tableaux ont été générés procéduralement, mais tous les joueurs ont la même séquence de tableaux. Ah, c'est ça. Et avec ça, et à cause de ça, tout le monde joue les mêmes tableaux. Puis, quand un joueur se rend très loin et arrive à un tableau et qu'il dit « ce tableau est impossible », ben là, tout le monde sont comme « hum, ce tableau a effectivement l'air impossible ». Et là, tout le monde essaye de résoudre le tableau. Et là, ils réussissent. Et là, ils sont comme « fuck yeah! » On pensait ils rentrent tout plus loin. Genre, le 14727 était jugé impossible jusqu'à temps que quelqu'un trouve une manière de le faire bizarre. Et là, 14 000. A réussi. Et là, maintenant, les gens sont bloqués sur le 28242. Genre, c'est fou, là. Mais c'est Desert Golfing. C'est la vie. La vie est un désert, Anne-Marie. Et nous sommes que des golfeurs. À chaque fois qu'un obstacle semble insurmontable, on finit par passer par-dessus. Ou on abandonne. Quelle belle métaphore sur la vie. Wow. J'ai jamais été une grosse fan de jeux de golf ou de golf en général. Ah, moi non plus. Mais non, mais depuis que je vois passer le bon qui joue à Golf Story sur la Switch, j'ai comme un peu envie de l'essayer. C'est comme un petit RPG 16 bits où la mécanique c'est de jouer au golf, puis ça a l'air trop mignon, ça a des graphiques à la Stardew Valley, puis oh, ça a l'air cute. Of course, Anne-May. On commence à bien te connaître. Ouais, ça a l'air trop cute. Tu sais, c'est pas du vrai golf réaliste, là. C'est vraiment... C'est plus comme du Mario Golf au Game Boy Advance. Ouais, c'est ça. Tu pèses un piton, puis là, t'as une jauge qui bouge, puis il faut que t'atteignes le bon oh, bout man, pour l'envoyer tout croche. Puis je pense qu'il faut peut-être que tu tiennes compte du vent. Wow. Microsoft Golf dans le temps. Ouh, yeah! Mais c'est ça, j'ai jamais tant joué à ces jeux-là, mais Golf Story, ça a l'air cute. Mais j'aimais bien le golf sur la Wii, genre Wii Sports. Ouais, là, ouais, c'est ta chill, manette, ça. Ouais, c'était cool. Ça. En gang, là. Ouais, être seul, c'est un peu bizarre. Je l'ai verte, là, mais... Ouais. Oups! Ben, pour optimiser tes médailles, là. Ah, ben oui, c'est vrai. Pour avoir des médailles d'or dans tout. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai joué d'autre, là? Tantôt, tu parlais de... Qu'est-ce que tu parlais? Qu'est-ce que je parlais? T'as parlé Split. De quelque chose, t'as parlé de l'audio, t'as dit l'audio est important. Ah oui, c'est dans Device 6. Ouais, dans Device 6, ouais. Quand tu parlais de Device 6, je pensais à ça, tu sais, je continuais de Witness, puis bon, on en a beaucoup parlé, fait que je vais pas... J'ai commencé, là, je suis rendu à l'étape où là, on sort les crayons puis on dessine parce que là, ça devient comme il faut compléter les puzzles. Puis là, tu vois un bout de puzzle, puis là, tu vois un autre bout, puis là, il faut que tu assembles les morceaux ensemble. Fait que là, je sors mon iPad, puis là, avec l'application Note, je fais des dessins. Oh! De la couleur, puis tout. Là. Oh, wow! Là. Mais je voulais souligner, en fait, l'excellence de l'audio dans ce jeu-là. Ah oui? Man, t'as vraiment l'impression d'être là. C'est tellement relaxant parce qu'il y a comme... T'as les bruits ambiants, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, t'entends tes bruits de pas. Puis, sais, c'est pas souvent dans la vie que t'entends tes bruits de pas. En général. À moins que t'aies des talons, là, qui font clop-clop. Ouais. Non. Ben, quand tu. C'est ça qui est le fun à l'automne, marcher dans les feuilles. Marcher dans les feuilles. Marcher dans la première neige qui est comme crisp, là, ça fait ce qu'on Mais tu sais, quand t'as. Mettons, t'as. Moi, ça me faisait ça des fois. Tu sais, quand il n'y a plus d'auto après une certaine heure, puis là, il y a. Tu sais, parce qu'il est genre 2 heures du matin. Mm-hmm. Puis là, t'es encore en bottes d'hiver, mais il n'y a plus de neige. Puis là, tu marches, puis ça fait clop, clop, clop, clop. C'est là, vrai. Je suis comme, waouh, c'est relaxant parce qu'il n'y a pas de bruit, il y a juste mes bottes. Puis t'entends vaguement au loin comme des chars qui font. Mais t'es comme seul au monde, là, parce qu'il n'y a pas de char dans ta rue où est-ce que tu marches, mettons, là. Genre. Puis là, quand tu joues à The Witness, c'est comme ça. Tu marches, là, puis là, t'entends. Man, combien c'est vrai, de fois qu'ils ont engagé. Tu marches sur le gravier, puis tout. Tu marches sur le gravier, tu marches sur du bois, ouais. Tu marches sur du ciment, tu marches sur. Ça change vraiment. Top notch, là. Puis là, ils n'ont pas juste comme deux bruits, genre clip-clop, clip-clop, clip. Ouais, non, c'est vrai, non, t'as raison, je me rappelle. Ils en ont plein. Fait que c'est comme. Ça, j'apprécie tout le temps ça. Quand c'est un jeu où genre l'audio fait que là, t'entends juste tes pas, là. Que ce soit pas genre un bruit de pas générique qui tient pas du tout compte où est-ce que tu marches. Mm-hmm. Puis c'est vrai, ça. Ça contribue tellement parce que là, t'es comme, ah ouais, je marche puis je suis vraiment là. Là. Mm-hmm. Je jouerais tellement à The Witness en VR. Mais c'est pour ça, Device 6, genre, t'es juste après lire, là. T'es juste après lire des lettres noires sur fond blanc. Puis tu scrolls, puis t'entends tes pas, puis tu rouvres la porte, puis t'entends tous les bruits de la pièce. Ouais. Bref, on revient full circle, là, mais c'est vrai que le sound design, là, ça peut faire une pas pire différence. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah, oh, je joue pas de son sur mon téléphone », je suis comme « Non! Ouais. » Mais je joue pas de son à ben des affaires, là. Mais comme, c'est pas des vrais jeux, là. C'est, ben, oui, c'est des jeux, là, mais tu sais, c'est des affaires comme des mineurs, là. Tu sais, des affaires comme Colorfield, là, qui à un moment donné, c'est une toune de fond, pis genre, je suis juste allé, là. Pis quand tu cliques sur de quoi, ça fait blue. Tu sais, c'est pas important, là. Mais c'est pour ça, tu sais, Device 6, genre, tu peux pas jouer si j'ai juste 2 minutes ici et là, pis que je suis prête à poner. Tu sais, je veux juste prendre le temps, pis là, mettre mes écouteurs, pis là, vraiment entendre ce qui se passe, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est un jeu qui s'apprécie. C'est un jeu qui se savoure. Yep. The Witness aussi. Mais The Witness, il faut pas que tu le savoures trop longtemps parce que ça devient fatigant réellement. Ouais, ben, c'est parce que faut que tu réfléchisses, là. Fait que c'est plus ton cerveau qui devient fatigué, là. Mm-hmm. Ouais. En date, je trouve ça bien parce que, genre, quand t'es bloqué quelque part, tu fais comme « Ah! » Je vais aller voir ailleurs. Puis je découvre encore des nouvelles sections d'îles. Tu sais, j'ai pas encore tout vu. Puis même, à un moment donné, je suis revenu à une section, j'étais comme... Ah, oh, j'étais déjà venu ici, puis j'étais bloqué, puis j'étais allé voir ailleurs en me disant, ah, oh, je suis pas capable. Mais maintenant que j'ai plus... que je sais plus comment le jeu fonctionne, je pense que je devrais être capable. Là, tu reviens, puis tu regardes un peu, tu sais, ah, oh, j'ai découvert. Puis là, tu viens de... Tu clenches toute une section avec les lasers, là, pis tout. Ça, c'était cool. J'ai fait la section des espèces de ruines égyptiennes, là, dans le désert. Oh, je pense que je pense, là. C'est, tu le vois, c'est une des premières sections que tu peux aller. Elle est vraiment proche du début, mais comme si t'as pas compris comment ça marche, tu peux gosser là longtemps. Ouais. J'avais l'impression que j'avais pas tout compris. Parce qu'il y en a que j'étais juste pris, là. Il y en a que j'étais juste pas capable de faire. Mais je l'ai trouvé. Une fois que tu comprends la logique, t'es capable de tout faire. Mais comprendre la logique. Ouais, c'est peut-être ça. Si tu le vois pas, tu vas chercher longtemps. Ouais. Fait que c'est peut-être un peu dommage à cause de ça. Ben, c'est que ça. Je pense que ça. Ça dépend comment. Ton cerveau est fait, genre, c'est pas tout le monde qui réfléchit de manière, tu sais, les puzzles, là, c'est pas tout le monde qui est capable de régler les mêmes puzzles parce que ça dépend comment tu réfléchis, mettons. Mm-hmm. Fait que... Ouais, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment juste, faut que tu le vois. Ben, c'est ça, je veux dire que tu le vois et que tu le vois pas, là, c'est vraiment une question de comment ton cerveau y est fait. Là. Non, c'est pas une question de comment ton cerveau est fait. C'est une question de t'as-tu marché dans le bon sens pour le voir? Ah, ok, peut-être aussi. Je te donne un petit indice, là, demain. Ah, ok. Et les ruines égyptiennes, c'est-tu là où tu contrôles le soleil? Ouais. Ok, j'ai fait ce bout-là. C'est le seul Oui. bout que j'ai fait dans ce coin-là, je Ouais, pense. ouais, ouais. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ouais, Puis ça doit tu vois qu'il y a des panneaux, puis là, t'es comme, OK, mais j'ai aucune idée de comment faire être cette solution-là. Puis là, mané par hasard, j'ai vu. J'ai fait, ah, mon tabarnak, toi et Jonathan Blow. Mon petit Chris. Puis là, une fois que t'as compris comment ça marche, tu peux clencher la section complète. C'est juste, une fois que tu as compris la logique, le reste, c'est juste de toujours chercher la bonne approche. Je reste flou, c'est dur. Ah, mais c'est ça de witness, là. J'ai fait la section. Je suis resté bloqué dans la section. Il y a une section avec des couleurs, Spoiler. genre des filtres de couleurs. Oh, j'ai pas vu Des ça. vitres de couleur que tu vois au Ah, travers. je pense que j'ai vu passer ça, ouais. Mais Ouais. je vais bien la rentrée, je pense. Parce que souvent, il y a un puzzle sur la porte, là. Fait que si tu peux pas faire Oui. lui, t'es faite. Mais tu sais pourquoi il fait ça? C'est comme un test. C'est comme un test, genre, tu connais-tu Ouais. ces quelques mécaniques de jeu-là? Parce que si tu les connais pas, tu seras pas capable de rien faire en dedans ici. Fait que, Ouais, c'est ça. reviens plus tard. Ouais, Mais c'est ça. Des si fois, tu es c'est parce que t'as capable pas de résoudre les trouvé. puzzles à la porte, ça veut dire que tu connais les mécaniques et donc tu es prêt à affronter ce qu'il y a derrière la porte. Ça fait du sens, là, parce que des fois, t'as peut-être pas trouvé le tutoriel encore. Ouais, moi, ça m'a pris vraiment. Je cherche encore le. Ben là, je suis rendu proche d'être là, dans la section, mais genre, les petits. Il y a des puzzles, il y a comme des petits morceaux de Tetris dedans. Ok. Puis qu'est-ce que c'est cette affaire-là? J'en vois partout. Ah, oh, oui. Ben, c'est parce que c'est cette forme-là qu'il faut que tu fasses. Mais je m'en doute! Ok. Mais j'ai pas encore compris comment le faire. Ben, Fax. avec tes lignes, là, faut que tu délimites ça. Ça, J'ai. celle-là, je l'ai compris. Mais je me doutais que c'était ça, mais j'ai essayé puis je réussis pas. Fait qu'il y a de Ouais, quoi que c'est j'ai. Mais il n'y a touché. pas. Fait que je cherche encore la section Mais où faut ils pas que vont tu fasses le m'expliquer ça. tour, là. Faut que tu délimites cet espace-là. C'est peut-être ça qui te manque. Parce que, tu sais, tes lignes peuvent pas se toucher. Fait que tu peux pas juste faire le tour parce qu'à un moment donné, tu vas revenir au début, puis là, tu vas être pris. Ouais. Fait que faut que tu délimites cet espace-là. En Mais utilisant les côtés. ouais. Ouais. Mais c'est ça que j'ai fait. Tu peux pas les tourner. Tu peux pas les tourner, là. Faut que tu la fasses exactement comme il est présenté. Purée. Mais il n'y avait Mais pas une c'est section touché. tutoriel pour ça? Il y en a-tu une? Je sais pas. Je suis pas sûre. Parce qu'il me semble que j'ai trouvé le jardin où il y a ces trucs-là. Puis, j'étais pas sûre que j'avais vu le tutoriel pour ça. Huh. Je pense que je l'ai peut-être juste pogné. Mais moi, c'est sûr avec des étoiles, là, pis sûr avec des points pis tout, que là, j'ai vraiment plus de misère, là. Ouais, parce que tes points de couleur, puis là, t'as la petite Ouais. étoile à trois branches. Je suis rendu dans la Ah. section tutorial de ça. Ok. J'ai Non, fait peut-être ça pas un ça, mais bout, les là, points de couleur, j'ai j'avais de la arrêté. misère à les séparer, là. Ouais. Là. Ceux qui nous écoutent doivent être ceux qui sont plates. À moins qu'ils ont joué. Ouais, là, si Ceux on qui ont joue, ils vont joué à faire The Witness et nous écoutent sont comme genre, Ah ah ouais, I see what you mean. ouais. Ah Toutes les autres sont comme. ouais. Ah, c'est tellement touché, The Witness. Là là. Tout un jeu. Ah ouais, j'ai hâte de continuer. Mais là, je jouais avec Junkrat tout le temps, fait que Ha ça ha finit ha ha. pas beaucoup. Pas le temps de faire des puzzles. Nope. Ain't nobody got time for that, Anne-Marie. Tu parlais de jeux sérieux sur téléphone dans lesquels on doit se concentrer. Eh bien, voici un jeu non sérieux sur téléphone. Yeah, donc, on n'a pas besoin de se concentrer. Je veux savoir ça. Tu connais-tu ça, toi, la série Trailer Park Boys? Ben, le nom me dit quoi? Mais j'ai jamais vu ça. Moi non plus, je connaissais pas ça. J'ai vu des memes un petit peu sur Internet, genre, j'ai reconnu des memes. Mais à part ça, je connaissais pas la série. Ils ont fait... Il y a un studio qui a fait un idle game avec cette série-là. Puis est-ce que c'est drôle? Ah ouais? Oui! Même si t'as jamais vu la série. J'ai jamais vu la série, je les connais trop pas. Mais c'est tellement bien écrit. Puis là, tu vas te dire, comment ça bien écrit? C'est un idle game. Oui, oui, Anne-Marie. C'est un idle game avec des épisodes. Oh! Puis... Puis ils ont tout pris les mécaniques de Idle Game puis ils ont fait matcher avec le thème de la série. Grosso modo, de ce que j'ai compris de la série, c'est comme genre les bougons. Moi, ouais, j'ai l'impression que c'est pas sérieux. Non, c'est vraiment un niaiseux. C'est genre les bougons dans un parc de trailer, de maison mobile. Qui font tout le temps des estis de manigances pour faire de l'argent. Ouais. Puis à la fin de chaque épisode, tu sais, dans Idle Game, il y a toujours des mécaniques de reset. Ben là, c'est qu'à la fin de chaque épisode, la police vient t'arrêter puis tu fous tout en prison. Et là, quand tu sors de prison, ben là, toutes tes affaires sont pétées puis faut que tu recommences. Oh, là, t'as boosté tes affaires, fait que là, tu recommences. Mais tu recommences booster, fait que ça va plus vite. Okay. Ça, c'est juste une petite affaire de comment ils ont pris une mécanique de Idle Game puis ils l'ont fait en adapté avec l'univers de cette série-là. Ça a bien de l'air drôle. Genre, tu sais, dans Clash Royale, tu ouvres des coffres. Là. Mais là, il y a la même mécanique un peu de coffre. Tu complètes des missions puis là, ça t'ouvre des loot box. Mais les loot box, c'est des coffres de char. OK. Tu t'ouvres avec des gros bars. Là, tu trouves de l'alcool fort. OK. Puis c'est ça, l'argent dans le jeu, c'est des verres d'alcool fort. Oh, parce que le jeu commence... tellement épais. Le jeu commence... Ça se passe au Canada, by the way. Pour vrai? Oui, la série se passe au Canada. Oh God. C'est de ce que j'ai compris, c'est comme un espèce de faux documentaire. OK. C'est un peu comme The Office. Ah, ouais. C'est un faux documentaire. Ouais, ça a l'air d'une télé-réalité, mais en fait, c'est tout... C'est scénarisé. Okay. C'est... Je veux dire, une télé-réalité aussi, c'est tout scénarisé, puis c'est tout fake, mais là, c'est comme... C'est des acteurs au lieu d'être des non-acteurs, en tout cas. Et bref, ça commence, il y a un gars, il fait pipi dans une bouteille, parce que c'est ce genre... Dans le jeu, là? De série, ouais. Parce que c'est ce genre de série-là. Et là, il fait pipi dans une bouteille, puis là, il y a la garoche l'autre bord de la clôture. Sauf que l'autre bord de la clôture, c'est une autoroute, puis là, il y a un camion citerne de sirop d'érable canadien qui roule. Non. Et là, la bouteille tombe dans le trou du camion... Et là, tous les articles de journaux, genre... Oh mon Dieu! Sirop d'érable contaminé, l'économie canadienne en ruine, le dollar canadien ne vaut plus rien. Mon Dieu! Puis tu sais, des Idle Games, tu te ramasses tout le temps avec des montants d'argent exorbitants, mais là, c'est ça l'idée, c'est que le dollar canadien vaut plus rien, fait que c'est normal, tu te retrouves avec des énormes montants de bajillions de dollars. Puis là, tu sais, le jeu commence, c'est comme, il faut que tu payes une amende de 100$. Puis là, les gars sont là comme, 100$, j'en ai rien à foutre. Puis là, le gars, il dit, 100$, US. Ils sont là comme, non, ça vaut genre 300 000 bajillions de trillions de dollars canadiens. Comment est-ce qu'on va faire pour faire tout cet argent? Fait que là, t'ouvres un espèce de magasin de station d'essence bizarre. Okay, là, tu fais de l'argent. Là, c'est un idle game. Fait que tu collectes ton argent. Puis là, tu le réinvestis en marketing pour avoir plus de clients qui vont te donner plus d'argent. Parce que c'est un idle game. Puis là, à un moment donné, les gars sont comme « Oh man, collecter tout ce cash-là, c'est épuisant de devoir ramasser l'argent. On va engager quelqu'un qui va venir collecter le cash pour nous. Qui va venir transporter les sacs de cash. » OK. C'est comme ça que tu upgrades tes... T'achètes des automateurs. Sauf que là, c'est okay. Un gars. Puis là, tu trouves des cartes qui boostent tes bonhommes qui collectent l'argent pour toi. C'est tous les bonhommes de la série. Fait que j'imagine que si tu connais la série, c'est encore plus drôle. Mais même si le principe de la série, c'est-tu que tu crashes l'économie du Canada ou c'est vraiment juste dans le jeu? Là? Je pense que c'est juste dans le jeu. OK. Je suis confuse. Mais, parce que comme le jeu est découpé en épisodes, ça suit un peu. J'imagine que dans la série, c'est ça. Ils font toujours des manigances, puis ils se ramassent en prison. Puis ils sortent de prison, puis ils recommencent d'autres manigances, puis ils se ramassent en prison, puis ainsi de suite. Ouais, comme des bougons, là, au fond. Ouais. Comme les bougons. Je comprends. Ouais. Fait que, ouais. C'est très drôle, même si je connais rien à la série. Ben oui. Même, le meilleur bout. J'hésite à l'en parler parce que c'était... Genre, tu sais, moi, c'est tellement rare que je vais rire comme vocalement. Tu sais, je vais rire dans ma tête, mais rire pour vrai, ça m'arrive presque pas. Toi, ça t'arrive-tu, Anne-Marie? C'est vrai. Faut vraiment que ce soit drôle. Pour que tu ris à voix haute. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Si je suis au travail ou de quoi, genre, généralement, je peux me retenir puis ça arrive pas, là. C'est ça. Là, j'ai... Ouais, ça dépend. Parce que si j'écoute un podcast que c'est genre vraiment une maudite bonne blague pis que tout le monde éclate de rire en même temps, là, ça se peut que je fasse genre... J'essaie d'étouffer, mon... Ah ouais, mais même ça, tu sais, je vais sourire un peu. Mais rire... Ouais, rire, c'est rare. Là, c'était encore pire parce que j'étais aux toilettes. Public. T'es parti à rire assis aux toilettes? Un peu. Je pense qu'il y avait personne, fait que j'étais correct. OK. Mais genre, écoute, tu finis l'épisode, là, les policiers viennent t'arrêter. Puis là le jeu te dit, OK, ils vont t'arrêter, mais là, il faut que tu leur dises de fuck off. Ah, le jeu est excessivement vulgaire, by the way. Ouais. C'est... Je m'attendais peut-être un peu, là. Ouais, avec le style. Ils censurent toutes les fois qu'ils mettent une petite étoile, mais... Ouais, mais là... F étoile CK. On sait un peu où ça s'en va. Fait que là, le jeu est comme... OK, là, tell them to fuck off. Get ready to fuck off. Puis là, ça dit... Tape l'écran rapidement pour leur dire de fuck off. Là, tu te dis... OK, dans le fond, ça va être une espèce de combat, un duel, là. Tu vois les bonhommes qui sont un en face de l'autre. Fait que tu fais... Ah, ça va être un duel. Je vais taper sur l'écran. Je vais donner des coups de poing. Puis là, je vais peut-être pas aller en prison. Ça, c'était mon attente. Okay. Puis là, le jeu est comme... 3, 2, 1... Puis là, je commence à taper l'écran comme un malade. Puis là, je me rends compte... Tu t'entends... Là, tu te rends compte... Ils sont pas en train de donner des coups de poing sur la gueule. Les trois espèces de tapons, puis policiers en face, les trois tapons, ils font des fuck you. Ils sont là, fuck you. Puis le policier est comme, l'air bête en face. Puis comme, avez-vous bientôt fini? C'était tellement inattendu. Avez-vous bientôt fini? Puis là, tu dis au policier, fuck off! Là, tu remplis une barre, puis là, ça te donne des cartes. Tu remplis plusieurs barres. C'était très, très drôle. C'est dans le moment, c'était plus drôle. Je comprends. C'était la surprise. Ça s'appelle Trailer Park Boys et le sous-titre c'est Greasy Money. Greasy Money. Puis je pense que le S de Greasy c'est un signe de pièce. Oh. Et c'est drôle. Je suis pas sûr que je vais jouer énormément parce que j'aime mes idle games qui sont libres de limites et absentes de monétisation. Ah, ok, puis ça l'est Dans ce pas. jeu-là, ils ont compris quoi faire pour bien monétiser un idle game, ce qui fait que ben, c'est efficace, mais là, ça veut dire que c'est pas aussi le fun qu'un autre. C'est pas aussi le fun que Paperclip, mettons. Je vais continuer à jouer un bout, mais je risque de. Problème, c'est comme c'est épisodique avec des épisodes et de l'histoire, ben tu peux comme voir un peu où est-ce que l'histoire s'en va. Ouais, ben ouais, je comprends. Ça, tu vois, c'est plus mon genre de idle games. Parce que s'il n'y a pas ça, genre une histoire qui fait que tu veux revenir, ben, je débarque pas mal vite. C'est Ragnarok Online idle game, mais je joue déjà plus. Non, c'est ça. Ouais. Non, j'avoue que quand il n'y a pas comme. C'est soit qu'il y a une histoire, puis là, ben, ça devient comme où est-ce que l'histoire va s'en aller. Ou soit le jeu, tu sais, les bons idle games, c'est ceux qui vont introduire des nouvelles mécaniques avec le temps. Fait que t'es toujours en train de demander, genre, c'est quoi la prochaine affaire que je vais débloquer? C'est quoi la prochaine affaire qui va m'ajouter dans mon gameplay? Ce qui fait que le gameplay se varie beaucoup. Paperclip fait un excellent job, by the way, à ce niveau-là. T'sais, ça prend pas tant de temps que ça du jeu avant que ça se renouvelle, puis là, ça devient comme un autre jeu. Ah, puis ça vient vraiment intéressant, là. Ouais. Les premiers idle games, là, je pense à Candy Box, c'était vraiment ça. Voyons. Cookie Clicker l'était pas mal à un certain point. A Dark Room était vraiment bien fait pour ça, parce que justement, le jeu, les mécaniques changent, puis ça devient un roguelike à un moment donné, là. Ah, j'ai ça, Dark Room. Je savais pas pourquoi. Mais j'ai ça sur mon téléphone. Ça doit faire super longtemps. Puis j'ai toujours pas essayé, fait que je l'ai jamais flushé. Mais il joue dans un browser, c'est peut-être plus agréable. Ah, je vais prendre ça en considération. Des bons idle games. Ouais. Ouais. Comme Space Plan. Comme It's Raining Cabbages. Ah, ouais. Ça, c'est un bon idle game qui a beaucoup de surprises dedans. Puis un jour, je vais sortir le story mode. Un jour. Presque fini. Un jour. Un jour. Si Blizzard pouvait arrêter de sortir des bons héros le fun à jouer pendant un petit moment, là, je pourrais arrêter de jouer à HOTS puis finir le maudit story mode. C'est une bonne idée. T'as compris, Blizzard, là? C'est votre faute si Narf peut pas finir It's Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Raining C'est pas de ma faute. Hein, c'est pas de ma faute. Va falloir que Blizzard arrête ça. Là. Fini. Fini. Cabbages. Parlant de fini, j'imagine que ça approche de la fin du podcast. Ouais, j'essaie de penser qu'est-ce que j'ai d'autre là, mais pas grand-chose. Dans le fond, j'ai mis Aquaria, mais j'ai pas le temps de jouer beaucoup. C'est comme un petit jeu indie où t'es comme une espèce de petite naïade, genre une espèce de petite créature qui est dans l'eau, mais t'es pas comme clairement une sirène, là. T'es juste dans l'eau, puis t'explores. C'est comme en side-scrolling, mais tu peux aller dans toutes les directions parce que t'es dans l'eau. C'est un Metroidvania. Ouais, parce que là, tu te promènes que les sections sont bloquées parce que t'as pas encore appris le skill pour te permettre d'aller plus loin. Fait que oui, en fait, ouais, ce serait vraiment un Metroidvania. C'est vieux, hein? Pour vrai? Ah ouais. C'est un des premiers. Genre, quand on a commencé à utiliser le mot jeu indie, jeu Ouais? indépendant, là. Pour 2007. Ah ouais, Ah ouais. Ça fait 10 ans. hein? Ah, je savais pas que c'était vieux de même. Genre, les Mais premiers c'est indie cute. bundles, là, il y avait Aquaria dedans. Genre, le premier. Ben, Colin. Mais ça me rappelle beaucoup Waking Mars. Puis à date, c'est pour ça que j'aime ça, là. J'avais tellement aimé Waking Mars, qui est le jeu en side-scrolling, qui il faut que tu fasses fleurir la flore et la faune de Mars le plus possible pour progresser d'un niveau à l'autre, là. Pour que visuellement, ça ressemble beaucoup à ça. Fait que c'était peut-être une inspiration de bord pour Waking Mars. Ouais, c'était cool. Puis tu chantes, genre ta petite créature dans l'eau, elle chante. Puis là, tu peux chanter 8 notes. Puis là, tes spells, c'est genre des chansons. Fait que faut que tu choisisses comme les bonnes notes pour faire une petite toune puis faire ton spell. Fait que ça fait un peu penser à Ocarina of Time, mettons. Mettons. Ouais, ah, ouais. Ouais, puis il C'est faut que tu vrai. fasses des tunes pour faire des spells. Ouais, ben comme avec le carnet. Oui, ben oui, évidemment. Ouais. Fait que, à date, c'est ça. J'ai joué juste une session, là, pas tant longtemps, mais c'était cute. Puis à part de ça, j'ai continué à jouer à Cubicle Quest, puis c'est toujours aussi niaiseux. C'est drôle. Ça, c'était le jeu dans RPG Maker que... Ouais, le JRPG que... C'est comme la vie d'adulte avec tes finances, mais en version RPG. Genre. Remplace l'hypothèque par une armée de chevaliers. Oui, c'est ça. Ouais. Faut combattre. C'est ça, faut que tu payes des soldats tout le temps pour aller les combattre pour garder ton hypothèque au loin. Genre. 1$ à la fois. Ouais. Mm-hmm. J'ai plus à payer mes cartes de crédit. Là. Voilà. Bon, c'est ce qui nous amène au mot de la fin. Ouais. Moi, mon mot de la fin... Tiens, on va faire deux petits mots de la fin punchés rapides. Okay. Premier mot de la fin, j'ai fini Shadow of Mordor. Il me restait littéralement une mission à faire. Elle était cool, mais la fin était bof. Ça finit sur une espèce de cliffhanger à suivre pour le prochain jeu. Je sais comme... Ah ouais, pour vrai. Fait que c'était le fun, mais pas plus. Deuxième mot de la fin. Tu sais que StarCraft 1 est disponible gratuitement sur Battle.net? Pas la nouvelle version, mais l'original, ouais, ça se peut. Oui. Je pensais, moi aussi, que c'était juste un démo de la version 4K qui vient. Ils ont ressorti StarCraft 1 en 4K. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et là, puis là, c'était comme free. Là, j'étais comme free? OK, install, on va voir. Puis là, je me disais, ah, oh, ça va être juste comme 2-3 missions, puis après, ça va me dire de l'acheter. Non, non. J'ai tout le jeu, mais pas en 4K. OK. C'est StarCraft 1 original, en pixels, avec une résolution carrée tout petite, toute blurry. Mm-hmm. Pareil comme dans mes souvenirs. J'ai pas joué tant que ça, mais je m'étais rendu comme aux missions des Zerg, fait que là, j'ai recommencé à jouer. Puis à date, ça tient quand même la route. C'est quand même jouable. Pour moi, ah ouais? Qui a de la misère avec les vieux jeux d'habitude. Je vais peut-être en reparler la semaine prochaine. Je devrais continuer à jouer. Fait que, mm-hmm. Good, fait que, StarCraft 1 gratis. Ben oui, yeah. J'avais pas réalisé. Mais tu sais, je connais pas grand monde qui ont pas genre encore une version craquée ou un CD de StarCraft à quelque part. Là. En tout cas... Moi, j'ai encore un CD de StarCraft. Fait que j'ai même plus de lecteur CD sur mon ordi, puis j'ai quand même un CD gravé de StarCraft à quelque part. Fait que tu peux juste installer StarCraft 1 dans Battle.net. Boom. Mm. C'est juste dommage que quand tu l'installes, en fait, il download la version complète 4K. Ah, oh, pour vrai? Bloqué, fait que oh, ça, c'est quand même 6 gigs. Ça, c'est très con, parce que ça doit être genre 300 MB StarCraft. Ça doit pas être très gros. Ça rentrait sur un CD, fait que c'est maximum 700 MB. Ouais. En fait, mais je pense à ça, je l'ai probablement quelque part. Bon, après ça, 6 GB aujourd'hui, c'est rien. C'est vrai. StarCraft no install. 1.2 GB? Ah, c'est parce que c'est no install, il est déjà tout installé, c'est pour ça. Oh, il est dézippé. Ouais, parce que j'ai joué quand même pas si longtemps que ça dans un LAN. Ah mais ouais? Mon Dieu que les graphiques sont pas beaux. Ah mon Dieu que c'est carré. C'est que les résolutions des ordis sont pas toutes capables de les prendre. Là. Je sais qu'on avait plusieurs gens au LAN qu'il y avait des bugs de texture et tout. Bah, tu vois, ça c'est l'avantage de jouer la version moderne. C'est ouais. Ils se sont moins assurés que la version originale pixelisée ouais, marche vrai. Bien. Elle s'affiche bien. Elle joue... Il la joue réellement en 1080p. Mais il y a des pixels dedans. Ouais. Genre, ouais. Non, fait que ça c'est bien. Puis genre dans mon souvenir, j'étais comme j'avais de la misère à voir, c'était flou. J'avais de la misère à voir c'était quoi les bonhommes. Puis là, je le regarde aujourd'hui, c'est comme ben oui, c'est parce que c'était fucking pixel. Là. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, que c'était pas clair de savoir quel bonhomme qui est quoi, là, ouais, ouais. Genre, c'est quoi ça? C'est comme une tête? Parce que c'est surtout qu'il y a beaucoup d'angles de caméra bizarres, là. Surtout quand tu cliques sur tes unités, c'est comme si la personne avait une petite caméra dans son oui. Char. Fait que souvent, vraiment. L'angle est comme dans son par en bas ou par en haut. En tout cas, ça, c'est quand même assez cool pour ça. C'était bien foutu. C'est pour ça que je vais en reparler plus, parce que j'ai d'autres observations intéressantes là, qui m'ont pris par surprise, vraiment, que je m'attendais trop pas à ça, là. D'un vieux jeu qui a 20 ans. Ouais. Genre. Ouais. Ah, c'est fou comme c'est encore... T'as encore top-notch point de vue stratégie, là. Je pense que StarCraft 2 a 10 ans. Genre. Parce que là, quand j'ai acheté Wings of Liberty, là, ouais, j'étais à l'université. Ouais, il doit pas avoir 10 ans. Je sens que j'étais à mon appart à l'université quand j'ai acheté Wings of Liberty. Je sais plus. Enfin. C'était mon mot de la fin, qui était un peu trop long. Toi, Anne-Marie, est-ce que tu as un petit mot de la fin, là? 2010, StarCraft 2. 2010? Ben, en fait, ah ben, ça fait 7 ans. Ouais. En fait, j'avais pas d'idée de mot de la fin, mais j'ai juste essayé un petit jeu. Je l'ai pas essayé longtemps, puis j'aurais pas le temps d'en parler. Je sais même pas si je vais y retourner, mais c'est un jeu qui me faisait beaucoup penser à StarCraft, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu avec des bases comme ça, puis des unités que tu fabriques. Ça s'appelle Meridian New World, donc Méridien 2. New World. Et ben c'est un peu le même principe. Ça se passe dans le futur, puis t'as des genres de mecs, puis tu te bats contre des genres d'aliens. Non, il y a pas encore d'aliens, non, c'est vrai. Space Marine. Ouais, ça ressemble à ça, là. T'es sur une nouvelle planète, puis là, t'as ton command center, puis t'as tes unités qui ramassent du cristal, puis tu sais, c'est comme très inspiré, mettons. Pas mal, hein? Mais c'est indie, puis c'est plus récent. Puis... Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va. Peut-être que la campagne va être intéressante. À date, ils ont l'air de vouloir... un peu comme à la StarCraft 2, là, entre les missions, t'es dans ton vaisseau, puis tu peux parler à tes membres d'équipage, voir qu'est-ce qu'ils pensent de la situation politique actuelle dans la galaxie. À date, c'est un peu comme ça. Fait que, ouais, je me dis, quand je vais avoir le goût de jouer à un jeu... J'ai souvent dit, là, ça? Ouais. Je vais pogner ça dans un bundle. Parce que j'imagine pas que j'ai acheté ça. Mais tu sais, ça me donne des feelings de nostalgie de StarCraft, là. Wow. Ah, ça vaut 7,5$. C'est sur Steam. Qui l'accompagne? Elder Games. Je connais pas. Oh mon dieu, la note sur Metacritic est vraiment pas bonne. Oups. Je sais pas. Est-ce que les gens ils s'attendent à un StarCraft Quality Blizzard? Ben, peut-être, hein? Quality. Ben, ultra c'est ça. Compétitif online. Parce qu'ils mettent la barre haute, là, fait que peut-être, dans le fond. Je sais pas. Bon, en tout cas, à date, ça vient me donner un petit peu de nostalgie. Là. Parlant de mettre la barre haute, nous, on met la barre haute pour nos auditeurs. On s'attend à ce que vous nous envoyez des questions à info@onajusteunevie.ca. On s'attend à ce que vous vous abonnez sur iTunes et YouTube en allant sur onajusteunevie.ca pour faire ça. On s'attend à ce que vous nous donnez 5 étoiles sur iTunes pour nous faire monter dans les ratings. Puis on s'attend à ce que vous en parliez à tous vos amis pour qu'on aille... pour qu'on décuple de manière exponentielle nos 450 000 auditeurs. Ouais, c'est pas mal ça. Merci Anne-Marie. Merci Nord. C'était le fun à soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. On a juste une vie. Games sont basés à Montréal. Ah, hein. Oh, ouais. C'est eux autres qui font Moonhunters, ben oui. Moonhunter, puis ils ont fait Shattered Planet, puis ils ont fait Shrouded Isle? Ouais, Shrouded Isle, c'est vrai. Shrouded Isle. C'est vrai, je veux jouer à ça. C'est parce beau, que j'ai, pendant le podcast, j'ai un ami qui m'a partagé un article sur un des prochains jeux de Kid Fox Games. T'as-tu vu passer ça? Leur prochain? Ouais, un des prochains. J'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais c'est juste Ben, pour ils lesquels sont ils travaillent. quatre, fait que je pense pas Ouais, qu'ils en j'avoue, font peut-être plusieurs en pas. parallèle. Même Shrouded Isle, c'est comme ils l'ont published, mais c'est pas eux qui l'ont fait. Ah, Ils ont juste comme aidé la personne à l'améliorer, puis à le polish, puis à le sortir, puis à le ah, vendre. ben oui, toi. Mais le Avec jeu Tania est. X Short, pis tout, ben oui. Ouais. C'est quoi leur prochain? Je suis Un curieux. dating sim? C'est mon Ouh. ami qui me partage toujours les pires dating sims du monde, là. Il vient de m'envoyer ça, là. C'est un C'est un dating dating sim sim de quoi? qui s'appelle Boyfriend Dungeon, pis tu dates tes armes. Des armes! Oui. Oh God! Tabarnak! Date your weapons. C'est ce qui est marqué en gros, c'est J'étais comme. Genre, il y a eu un dating sim de pigeons, puis un dating sim de hot dads. oui, J'étais puis j'ai comme, pas joué, mais ça a l'air que c'est full touchant. la barre est haute, là. Fait que là, Ouais. il faut. C'est comme. J'étais comme, qu'est-ce que Tanya va nous avoir sorti? Ah ben, gadon, on date nos armes. Calice. Mais c'est tellement Tanya en plus. Mais ils ont apparemment une apparence là, qui est comme traduite dans une personne. Ben, tu sais, le jeu des pigeons, c'était vraiment comme tu pouvais le voir comme étant une personne, Ben genre, oui, comme son évidemment. équivalent à personne. Ben là, les weapons aussi, là. Je l'adore. Je vais tout le temps là. C'est les meilleurs sandwichs. L'autre jour, elle me disait, oh, êtes-vous devenu végétarien? Je suis comme, bah, pas particulièrement. Elle dit, ben vous prenez toujours les sandwichs végés. Je suis comme, ah, ben ils sont bons. Ça a donné, Mangez hein? de viande? Je suis comme, non, mais ils sont bons. C'est du tofu puis des champignons marinés. Genre, Ah ouais, c'est bon, du ça. tofu mariné, super bon, juteux. Je disais, je mangerais ça, j'en mange deux par semaine.